Tu penses qu'elle a la belle vie sous son make-up, mais tu sais pas ce qu'elle endure sous son make-up. Il faudra que tu retires tout son make-up pour voir la tristesse qui se cache sous son make-up. Yeah, yeah. Sous son make-up, mais tu sais pas ce qu'elle endure sous son make-up. Il faudra que tu retires tout son make-up pour voir la tristesse qui se cache sous son make-up. Yeah, yeah, yeah. Tu la vois souriante, mais ce qu'elle vit, tu ne sais pas. Elle est sociable, mais renfermée. Et elle ne veut pas déclarer son histoire. Et si elle sort en boîte, c'est pour respirer. Donc elle ne calculera pas ce qu'elle va attirer. Et si elle sort en boîte, c'est pour s'évader. Elle a des problèmes d'argent, yeah. Elle se pose des questions, car son copain n'a plus le temps. C'est bizarre. Souvent en réflexion, yeah. Elle subit une pression, yeah. Suite à ses déceptions. Suite à ses déceptions. Quand t'as des problèmes, t'entends plus les gens soi-disant qui t'aiment. Sous son make-up, il faudra que tu retires tout son make-up pour voir la tristesse qui se cache sous son make-up. Hey, hey, sous son make-up, mais tu sais pas ce qu'elle en dit sous son make-up. Et il faudra que tu retires tout son make-up pour voir la tristesse qui se cache sous son make-up. Si tu savais tout ce qu'elle a sous son make-up, y'a que son médecin qui voit sous son make-up. Elle qui fait un mec qui a déjà une meuf et qui jamais ne la quittera. Donc elle lui donne ses soeurs, peut-être d'avis il changera. Ouais, ouais. Et t'as celle qui est tombée enceinte par accident. Elle se retrouve seule, donc elle fait appel à l'avortement. Elle a mal, ouais, normal ça fait mal, ouais. Elle a mal, ouais, normal ça elle fait mal. Elle a des problèmes, ouais, d'argent, elle se pose des, yeah, questions, car son copain n'a plus le temps. C'est bizarre. Souvent en réflexion, yeah, elle subit une pression, yeah, suite à ses déceptions. Suite à ses déceptions. Quand t'as des problèmes, t'entends plus les gens soi-disant qui t'aiment. Sous son make-up, yeah. Il faudra que tu retires tout son make-up. On voit la tristesse qui se cache sous son make-up. Yeah, yeah, sous son make-up. Mais tu sais pas ce qu'elle en dit sous son make-up. Il faudra que tu retires tout son make-up. On voit la tristesse qui se cache sous son make-up. Parce qu'elle en dit sous son make-up. Et il faudra que tu retires tout son make-up pour voir la tristesse qui se cache sous son make-up. Hey, hey, sous son make-up. Mais tu sais pas ce qu'elle en dit sous son make-up. Et il faudra que tu retires tout son make-up pour voir la tristesse qui se cache sous son make-up. Hey.